De Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, également sur asile35.blogspot.fr. Cette semaine, je vous ai préparé un petit programme autour du trompettiste Ned Woolley, qui est un monsieur qui s'illustre depuis une bonne dizaine d'années dans le jazz contemporain. L'improvisation libre est parfois réductionniste, voire, comme on pourra s'en rendre compte un peu plus tard dans la dernière partie de l'émission, dans certaines formes de musique noise hybride et brutiste. Contemporain de son compatriote et partenaire Peter Evans, cet Américain de 39 ans, originaire de l'Oregon, a commencé à jouer de la trompette dans le big band de son père à l'âge de 13 ans. Puis il a fait des études musicales et surtout certaines rencontres assez significatives telles que celle du saxophoniste Jack Wright, qu'il a initié au style de l'improvisation minimaliste, ou encore le saxophoniste Asif Tsahar, qui lui a présenté de nombreux musiciens lors de son installation à New York en 2001. Dans son jeu, on peut entendre tout autant l'histoire de la trompette depuis Booker Little, Leo Smith ou Kenny Weller, jusqu'aux techniques les plus étendues à la Bill Dixon, Greg Kelly ou autre Axel Dorner, comme on va pouvoir s'en rendre compte tout au long de ces 90 minutes que nous allons passer en sa compagnie. Et on démarre par un disque archi récent publié début juillet par les bons soins de Pedro Costa et de son label Lisboète Clean Feed. Il s'agit de son dernier sextet, qui est la réunion de deux quintettes, les quintettes Alpha et Omega. On écoute la première pièce de ce disque studio qui s'intitule Sit in the Throne of Friendship. Deux belles pièces de jazz contemporain par le trompettiste Ned Woolley, joué par respectivement son sextet et son quintet, à savoir le saxo-baryton Josh Sinton en compagnie du vibraphoniste Matt Moran, du contrebassiste norvégien Eivind Obsvig, du batteur d'origine canadienne Harris Essenbath. Et ils sont rejoints par le tubiste Dan Peck pour le sextet du disque Sit in the Throne of Friendship, qui était donc enchaîné avec le Ned Woolley Quintet et l'album Put Your Hands Together, tous deux publiés par le label portugais Cleanfeed, qui documente d'assez près à peu près tous les différents projets du trompettiste américain. On continue avec une orientation nettement plus impro minimale et un vétéran de la free music européenne qui a beaucoup contribué à faire évoluer le jeu de Ned Woolley. J'ai nommé le batteur britannique Paul Lighton, qui improvise aux côtés du saxophoniste Evan Parker depuis le début des années 70 et donc assez régulièrement avec quantité de musiciens dont des Américains. Alors autant Evan Parker a pu compter pour faire bouger l'approche de l'improvisation à la trompette de Peter Evans, autant le style extrêmement libéré tant dans les microsons que dans des événements plus sonores du jeu de Paul Lighton ont marqué au fer rouge Ned Woolley. Celui-ci déclarait d'ailleurs dans certaines interviews, dont notamment une interview au magazine anglais The Wire du printemps 2012, que lors des premières tournées en compagnie de Paul Lighton, il n'était pas du tout préparé à croiser le fer avec un improvisateur d'aussi haut vol. Mais apparemment, depuis, il s'est plutôt bien rattrapé, puisque leur duo fonctionne à merveille, comme on va pouvoir s'en rendre compte avec cet extrait de leur disque de 2010 publié par les bons soins d'Evan Parker sur son label PSI sous le titre Creek Above 33. Oh, my God. Ha ha ha! À l'instant, dans l'asile le plus sûr, les granulations et résonances de la trompette du New Yorkais Nate Woolley. Granulations et résonances quasi telluriques en provenance d'un lointain Xanadu. Tout d'abord, on l'entendait dans un numéro de duettiste en compagnie du batteur britannique Paul Lighton, qui est son partenaire assez régulier depuis 2006 et avec lequel ils ont sorti pas mal d'enregistrements en concert, notamment celui qu'on écoutait qui s'intitule Creek Above 33, sorti donc en 2010 sur PSI, qui était enchaîné avec l'un de ses tout premiers projets, ou en tout cas l'un de ceux qui a contribué à le faire connaître, à savoir les Blue Collar, un trio en compagnie du brillantissime tromboniste Steve Swell et du batteur Tatsuya Nakatani. Il s'agissait là de leur deuxième opus sous le titre de Lovely Hazel, publié en 2005 par Public Eye Sore. Leur premier album était sorti l'année précédente sur Rosbin, si je ne m'abuse. Donc un trio à la quadrature du cercle entre free jazz historique, fulgurance des musiques improvisées et recherche sonore plutôt du côté des musiques dites réductionnistes ou encore lowercase, ce style qui a émergé à la fin des années 90 dans les musiques improvisées et également électroacoustiques. On poursuit avec un autre combo dans lequel s'est illustré Nate Woolley, mais nettement plus orienté free bop cette fois-ci. Il s'agit de Transit, son quartet avec un autre partenaire de Steve Swell, le saxophoniste alto assez méconnu, Seth Mister K, et la section rythmique Ruben Radding à la contrebasse et Jeff Arnall à la batterie. Deux disques ont été publiés à ce jour par Clean Feed. Je vous propose un extrait du tout premier qui portait tout bonnement le nom de Transit, et on écoute la pièce qui démarre ce CD, le morceau Corteleyu Kwa. Thank you. Thank you. Une nouvelle séquence pas piquée des hannetons ou des pistons sur antenne du 94 MHz avec le jazz libre du trompettiste Ned Woolley à l'honneur ce soir avec deux combos aux approches assez contrastées. Tout d'abord le quartet new-yorkais post-bop Transit avec Seth Mr. K, Ruben Reading et Jeff Arnall et leur premier album publié par le label portugais Cleanfeed, c'était en 2000. 2006, qui avait donné suite à un disque live 3 ans plus tard, sous le titre de Quadrophage, toujours chez le même Clean Feed. Puis c'était enchaîné donc avec un disque cette fois sur le label du New Jersey Relative Pitch Records, From the Discreet to the Particulier, par le trio cette fois de Ned Woolley en compagnie du guitariste vétéran Joe Morris, avec lequel il collabore assez régulièrement, ainsi que le légendaire pianiste et improvisateur d'origine espagnole, je crois qu'il réside toujours en Espagne, Agustí Fernández, qui est assez actif depuis les années 80 au sein des scènes improvisées européennes. Donc un travail de timbre assez incroyable et surtout d'écoute et d'inventivité particulièrement développé entre ces trois hommes. C'est sorti à la fin de l'année 2012, donc c'est encore tout frais et encore incandescent. Pour faire bonne mesure, on va aller vers un autre trio avec deux compatriotes magiciens des cordes cette fois-ci, à savoir le contrebassiste originaire de Chicago, lui aussi régulier aux côtés de Ned Woolley, Jason Robke, et le violoncelliste installé également à Chicago, Fred Longberholm, qui lui a un lourd passif du côté du jazz free et avant-garde depuis pas moins de 25 ans. Et sur cet album Throw Down Your Hammer and Sing, il manie non seulement son archet, mais aussi l'électronique de manière assez noise, comme on va pouvoir s'en rendre compte avec cette séquence extraite d'une assez longue pièce qu'on a découpée, qui s'intitule Southern Ends of the Earth. Thank you. Thank you. l'instant dans l'asile le plus sûr, après le trio Net Wallet, Fred Langberholm et Jason Robke et leur disque Throw Down Your Hammer and Sing, vous avez pu découvrir une autre facette du trompettiste américain, à savoir son goût assez immodéré pour l'expérimentation noise, un goût qu'il partage d'ailleurs avec son collègue Peter Evans, comme en témoigne leur disque en duo sur Career sous le titre High Society, mais qu'il a su développer de manière assez personnelle au travers d'une demi-douzaine d'albums solo, comme celui qu'on entendait à l'instant, un 33 tours publié en 2010 par Les Bons Soins du label belge qui n'a pas froid aux oreilles, Smeraldina Rima, un travail assez radical de recherche sonore. La trompette de Net Wallet étant couplée sur un ampli avec l'utilisation du feedback et des Larsen avec lesquels l'Américain improvise, réinjectant cette matière abrupte dans le vortex d'un continuum sonore d'une bonne vingtaine de minutes. Alors autant vous dire que c'est assez trash, là on a entendu même pas un quart de cette pièce assez incroyable, cela empire en fait au fur et à mesure, mais je ne peux que vous conseiller d'écouter la totalité de ce magma abrasif avec lequel on est bien évidemment éloigné du jeu de trompette de Miles Davis. En tout cas, c'est le genre de performance assez cathartique et libératrice qui a permis progressivement aux trompettistes de s'éloigner de certains penchants de la free music improvisée vers le silence ou le non-événement. Et donc, il n'est pas très étonnant au final qu'il se produise de temps à autre en compagnie de gens comme Thurston Moore de Sonic Youth par exemple. Et depuis 2-3 ans, donc, son esthétique commence pas mal à évoluer et à s'orienter également vers des compositions spontanées, proches de certaines musiques contemporaines. En effet, Net Wallet, en bon musicien downtown qui se respecte, est le curateur d'une structure pour la préservation du patrimoine des musiques contemporaines actuelles aux États-Unis, et il est l'éditeur d'un journal dédié aux musiques typiquement américaines qui vont tout autant du folk des migrants européens qu'aux expérimentations électroacoustiques, en passant bien évidemment par John Cage. Je propose d'enchaîner sans plus attendre avec un disque qui est pour moi un petit bijou. Il s'agit de son album solo qui était paru chez Pogus en 2011 sous le titre The Almond, une merveille de continuum sonore que n'aurait pas renié Lamonté Young pour le voyage à la verticale. C'est parti, The Almond par Net Wallet. trompettiste Ned Woolley dans les pas de Pauline Oliveros, Charlemagne Palestine, Tony Conrad et autres Alvin Lucier. Mais je vous avouerai qu'on a vraiment du mal à reconnaître la trompette dans ce générateur de drones, notamment sur le premier disque qu'on a pu écouter, le fameux The Almond qui explore et prolonge le minimalisme répétitif américain. CD particulièrement inouï, publié par les bons soins du label Pogus, que j'avais accouplé pour l'occasion avec sa pièce qu'il a écrite en 2007 pour différents expérimentateurs et improvisateurs qui peuvent changer donc selon les performances. La composition qu'on entendait était jouée d'ailleurs par Si Spencer Yeh au violon, au crin-crin et non pas à l'électronique, et Chris Corsano battait le fer et les peaux sur ce très bel album publié par Important Records en 2011, qui avait également publié un CD de la session précédente de cette pièce, The Seven Story Mountain, dans laquelle qui était en fait le groupe qui avait créé cette musique, à savoir donc Ned Woolley lui-même en compagnie de son camarade percussionniste Paul Lighton et de David Groups à l'harmonium. Et il n'est donc pas exclu que d'autres disques voient le jour et que d'autres improvisateurs expérimentateurs de tout poil s'emparent de cette pièce. Voilà, 7h30 en compagnie de la musique de Ned Woolley touche à sa fin. La semaine prochaine, retour du direct et des nouveautés dans l'asile le plus sûr. Au vu de l'hyperactivité de Ned Woolley, il n'est pas exclu qu'on le rencontre ou qu'on le retrouve rapidement, et en tout cas certainement avant la fin de l'année. Je propose de conclure cette tranche de Woolley avec un disque ultra récent en tant que sideman sur l'album de son compatriote clarinettiste Jeremiah Zimmerman. L'album s'intitule Sky Burial. Il est sorti au printemps dernier sur le label de ce dernier, 5049 Records. On l'y retrouve aux côtés de Peter Evans, deux trompettes donc, un saxophone en la présence de Matt Bowder du trio Memorize the Sky, mais surtout beaucoup d'expérimentations sonores proches des musiques électroacoustiques. Il s'agit d'un disque qui a été enregistré à l'occasion, je crois, d'une résidence au club The Roulette de Brooklyn, une résidence de 3 jours de 2012, et donc qui sonne comme un hommage aux musiques électroacoustiques américaines par ces 4 musiciens. Un disque vraiment que je ne peux que vous conseiller, et en tout cas propice pour démarrer une excellente nuit. On écoute Sky Burial par Jeremiah Zimmerman, Matt Bowder, Peter Evans et Ned Woolley. Je vous rappelle que les playlists et émissions sont écoutables en streaming et podcastables sur le blog asile35.blogspot.fr. Très très bonne nuit, à la semaine prochaine. Thank you.